Parfait. Concluons cet astérisque astérisque partie 3, l'épreuve, répression 2021-2024 astérisque astérisque avec le dénouement spectaculaire de cette période de crise, qui préfigurait la victoire. Dies astérisque astérisque partie 3, l'épreuve, répression 2021-2024 astérisque astérisque. Astérisque astérisque II. L'espoir de la victoire, vers la présidentielle de 2024 astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque B. La libération et le plébiscite, mars 2024, astérisque astérisque. À l'aube de l'année 2024, le Sénégal était à un carrefour. Sous une pression intérieure de plus en plus forte, alimentée par des manifestations persistantes, une crise économique latente et une polarisation politique extrême, mais aussi sous le vigilant de la communauté internationale, le régime de Macky Sall fut contraint à un recul stratégique. En février 2024, une astérisque astérisque loi d'amnistie astérisque astérisque inattendue fut votée par l'Assemblée nationale. Présentée comme un geste d'apaisement pour sortir le pays de l'impasse, cette loi ouvrait la voie à la libération de nombreux détenus politiques arrêtés pendant les années de répression. C'est dans ce contexte que le astérisque astérisque 14 mars 2024 astérisque astérisque entra dans l'histoire du Sénégal. Ousmane Sonko et Bassirou Diomé Faye furent libérés de prison, quelques jours seulement avant le premier tour de l'élection présidentielle. La scène fut historique, des centaines de milliers de personnes, amassées le long des routes menant de Rebeus au cœur de Dakar, réservèrent un accueil triomphal à leur leader retrouvé. Cette liesse populaire, spontanée et massive, n'était pas seulement une célébration de leur libération, elle était un plébiscite anticipé, un signe éclatant de la légitimité que l'épreuve de la répression leur avait conférée. Leurs visages émaciés par la détention, mais illuminés par la ferveur populaire, devinrent les symboles de la victoire prochaine. Lors de leur premier discours, Sonko et Diomé Faye ne manquèrent pas de souligner l'ampleur du chemin parcouru et les sacrifices consentis. Ousmane Sonko, retrouvé par les siens et par la foule, déclara avec force « Aujourd'hui, nous passons de la résistance à la victoire. Le Sénégal a choisi la rupture. » Ce moment marqua le point culminant d'une transformation, de prisonniers politiques, ils devenaient les héros d'une nouvelle ère. La victoire électorale ne se fit pas attendre. Moins de 15 jours après sa libération, le astérisque astérisque 24 mars 2024 astérisque astérisque, Bassirou Diomé Faye fut élu président de la République du Sénégal dès le premier tour, avec un score écrasant de astérisque astérisque 54,28% des voix astérisque astérisque. Cette victoire, rapide et décisive, fut bien plus qu'une simple alternance démocratique, elle fut l'interprétation la plus éclatante de la part du peuple sénégalais. Elle sanctuarisait la résistance des années 2021 à 2024, validant la lecture du complot politique et récompensant la ténacité du PASTEF. L'épreuve de la répression, loin d'avoir étouffé le mouvement, l'avait au contraire renforcé, légitimé, et porté au pouvoir, confiant aux nouveaux dirigeants un mandat clair, celui de la rupture, de la souveraineté retrouvée et de la justice sociale. L'héritage de cette période sanglante serait désormais la fondation même de leur gouvernance. Astérisque astérisque conclusion de la partie 3, l'héritage de l'épreuve astérisque astérisque. La période 2021 à 2024 restera gravée dans les annales comme un tournant historique pour le Sénégal. Loin d'être un intermède obscur, elle fut le creuset ardent où se forgea une nouvelle conscience politique nationale. La répression orchestrée par le régime de Macky Sall, dans sa tentative désespérée de neutraliser une opposition montante, eut l'effet inverse, elle transforma Ousmane Sonko en un guindé politique, une figure de résistance mythique, et légitima le PASTEF comme le porteur d'un projet de rupture radicale. Les sacrifices humains, les milliers d'arrestations, la censure et les atteintes aux libertés devinrent les cicatrices d'une nation, mais aussi le ciment indissoluble de la victoire de 2024. Le sang versé, les larmes et les privations furent le prix à payer pour l'accès au pouvoir, créant une dette morale et politique envers une jeunesse qui avait été le fer de lance de cette lutte. Pourtant, les cicatrices de cette épreuve persistent et influencent profondément la dynamique du nouveau pouvoir. L'héritage de cette période pose des défis colossaux. Astérisque astérisque astérisque la question de la justice transitionnelle, astérisque astérisque comment gérer les crimes et les exactions commis sous le régime précédent. Les attentes de la population sont immenses pour que les responsables répondent de leurs actes. Astérisque astérisque astérisque l'unité du mouvement, astérisque astérisque les tensions récentes entre le président Diomé Faye et le premier ministre Sonko, notamment autour de la nomination d'Aminata Touré, montrent que l'héritage de la résistance est aussi un fardeau. Les attentes de loyauté et d'unité, forgées dans l'adversité, peuvent aussi devenir des sources de division lorsque le pouvoir est acquis. Astérisque, astérisque, astérisque les attentes populaires, astérisque, astérisque la jeunesse, qui a payé le prix fort de cette répression, exige désormais des changements concrets et rapides, emploi, souveraineté monétaire, fin de la corruption et une véritable refondation du système. L'intensité de leur sacrifice est à la mesure de l'exigence qu'ils portent envers leurs leaders. La victoire de 2024 n'était pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle épreuve, celle de tenir les promesses faites sous le joug de la répression, et de construire un Sénégal plus juste et souverain sur les fondations douloureuses de ces années de lutte. Voilà. La astérisque astérisque partie 3, l'épreuve, répression 2021-2024 astérisque astérisque est désormais entièrement rédigée, détaillée et structurée. Elle constitue un bloc narratif puissant et essentiel pour votre livre. Astérisque astérisque que souhaitez-vous faire maintenant, astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque valider l'ensemble de cette partie 3 astérisque astérisque et passer à la astérisque astérisque partie 4 astérisque astérisque de votre plan général. 2. Astérisque astérisque apporter des ajouts, modifications, ou approfondissements astérisque astérisque à n'importe quelle section de cette partie 3, http://goglezercompte.com image-bas génération-bas content 15.